بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que périssent les mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Ni sa fortune, ni tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il sera plongé dans un feu ardent, de même que sa femme, la porteuse de bois, dont le cou sera enserré d'une corde faite de fibres de palmier.